le sujet du jour est bien meilleur que toutes les cures de jeunesse. Les connaisseuses auront reconnu le Toy Boy. Arrivé à un certain âge, voire à un âge certain, les matures ne se font guère plus d'illusions sur la capacité des hommes à les rendre heureuses. Libérées du carcan de la structure familiale devenue totalement désuète, car indépendante, pécuniairement depuis fort longtemps, restait à trouver la solution optimale pour combler le besoin sexuel qui n'a pas pris une ride, bien au contraire. C'est ainsi que le Toy Boy s'est démocratisé. Les dames les plus téméraires trouvent satisfaction uniquement auprès d'esthètes vigoureux et endurants. D'ailleurs, une fois bien dressés, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. D'autant plus que si un modèle est défaillant, il n'y a aucun souci de réapprovisionnement. Le must étant de s'offrir un ado boutonneux et d'en faire un président. Alors, chers consoeurs, plutôt que d'investir dans de l'électroménager haut de gamme en espérant à tort que cela va embellir vos vies, il vaudrait mieux remplacer l'individu en surpoids devenu obsolète qui squatte le canapé en râlant par un modèle qui combine esthétisme, performance et économie. Car plus besoin de blinder le frigo. Excellente qualité de vie garantie. C'était Evan Matisse et je vous dis à bientôt pour de nouvelles anecdotes.